الحمد لله الحمد لله رب العالمين لبونج تا ديو سينيور ديز اونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad an-nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations بعد غد يوم الأحد 21 من هذا الشهر après demain ce dimanche 21, yadkhul faslu ssayf, il y aura l'arrivée de la saison d'été. Ssayf ou faslu al-harara, la saison de la chaleur, la haute température. Wa hada al-fasl fi al-haqiqa yudhakkir al-muslim bi al-harara al-mawjuda fi jahannam. Normalement, cette saison, la chaleur extrême qui se trouve dans l'été, fait rappeler aux musulmans la chaleur excessive qui se trouve dans la Gehenne. Faslu ssayf, fi al-haqiqa, yukhif al-muslim, fa la ya'tadi hudud Allah. La saison d'été fait peur normalement aux musulmans qui ne doivent pas transgresser les limites de Dieu le Très-Haut. ولكن مع الأسف, mais malheureusement mes frères et mes sœurs, في فصل الصيف, الفصل الذي يذكر بجهنم, dans cette saison d'été qui fait rappeler la Gehenne, l'enfer, الناس تقوم بأكبر الذنوب وبأكبر المحرمات. Pendant cette saison, c'est là où les musulmans où les gens font le maximum de péchés, des péchés normalement qui provoquent la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi ad-dunub antum ta'rifunaha, les péchés commis en été, vous les connaissez et c'est pas la peine que je les rappelle ici. Amama fasl as-sayf ou qabla wusul fasl as-sayf, avant l'arrivée de l'été, uhib an udhakkira nafsi wa iyyakum ببعض الآيات القرآنية. J'aime rappeler ma personne et vous rappeler vous aussi quelques versets coraniques. كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أمام صحابته في بعض المواقف. Des versets que le prophète priait et sur lui récitait devant ses compagnons pendant quelques événements, pendant quelques discours. يقول الله تعالى وتبارك Dieu le Très-Haut dit dans ces versets يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Ô vous qui avez cru craignez pieusement Dieu اتقوا الله كلمة اتقوا لما نترجمها نترجمها بالخوف lorsqu'on traduit le mot taqwa, la racine de ce verbe, lorsqu'on la traduit en français, tout le monde à peu près la traduit par la piété ou bien la crainte. ولكن في الحقيقة هذه ترجمة ناقصة, mais il s'agit d'une traduction incomplète. الإمام علي رضي الله عنه يقول عن التقوى الإمام علي que Dieu anoblit son visage dit à propos de la piété هي الخوف من الجليل. La piété أو التقوى est la crainte du majestueux. والعمل بالتنزيل est le travailler ou œuvrer selon la révélation. والقناعة بالقليل est se contenter du peu. والاستعداد للرحيل est la préparation au voyage, au grand voyage vers Dieu subhanahu wa ta'ala, ce voyage qui démarre avec la mort. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah, craignez pieusement Dieu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad, et que chaque personne regarde qu'est-ce qu'elle a avancé pour demain. Al ghad huwa yawm al qiyamah, demain c'est le jour de la résurrection. Kul wahid yajlis ma'a nafsihi بينه وبين ربه ويحاسب نفسه. Chacun, Dieu nous demande à chacun de nous de s'asseoir seul à seul avec Allah et de faire un bilan, une autocritique. Qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour qui est interminable, 50 000 ans, yani يوم عظيم 50,000 سنة. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ أنت خلقت لتستعد لهذا اليوم. ولكن هل قمت بما يجب؟ Tu es créé normalement pour te préparer à ce jour. Mais est-ce que tu t'es préparé? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu. والتنظر نفس ما قدمت لغد, et que chaque personne regarde qu'est-ce qu'elle a avancé pour demain. Ma بعد الموت, après la mort. واتقوا الله, et craignez pieusement Dieu. قال الله في البداية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, وفي نفس الآية يقول الله للتأكيد واتقوا الله. Au début de ce verset, Dieu a dit, vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu. Et dans le même verset, il nous a rappelé cela en disant, et craignez pieusement Dieu, pour insister. وفي الأخير قال الله, et à la fin du verset, Dieu a dit, إن الله خبير بما تعملون. Dieu a fini ce verset par cette phrase, Dieu est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. كل ما نعمل الله يراه وخبير به وسيحاسبك عليه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Jugez-vous par vous-même avant d'être jugé, ainsi disait notre maître Omar, que Dieu soit satisfait de lui. هكذا كان يقول عمر. لماذا نتقي الله, pourquoi on doit avoir peur de Dieu? لأن الله خبير بكل ما تعمل وسيحاسبك عن الصغيرة وعن الكبيرة. On doit avoir peur de Dieu parce que Dieu est au courant de tout ce qu'on fait et il va nous juger à propos de tout ce que nous avons fait. ربما يقول أحد, peut-être quelqu'un va dire, الإسلام دين الخوف. Quelqu'un va dire, peut-être l'islam est la religion de la peur. Regardez, Dieu dit, craignez pieusement Dieu. نقول له لا يا أخي. On va lui dire, non frère. الإسلام دين الحب. L'islam est la religion de l'amour. والدليل, la preuve, un verset coranique. الدليل, آية قرآنية, يقول الله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله. Et ceux qui ont cru ont bien un plus grand amour pour Dieu. الإسلام دين الحب. L'islam est la religion d'amour. ولكن ربما يقول قائل فكيف نوفق بين الحب وبين الخوف الموجود في الإسلام. Quelqu'un peut-être va poser une autre question et pour nous dire, mais comment frère peut-on concilier entre la crainte et l'amour? فنقول في الجواب, on peut dire rapidement dans la réponse, لأننا نحب الله كثيرا نخاف أن نغضبه. Parce qu'on aime beaucoup Dieu, un amour très très grand, on a peur de le fâcher. On a peur de faire des choses qui provoque sa colère. Donc c'est notre amour qui était la source de notre crainte. إذن حبنا هو الذي كان يعني أصلا لخوفنا من الله تعالى وتبارك. ومن بعد يقول الله تعالى وتبارك ولا تكونوا كالذين يا مؤمنين ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Après Dieu dit et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. فَأَنْسَاهُمُ اللَّهُ أَنْفُسَهُمْ. Et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ce sont ceux-là les pervers, ou bien ce sont ceux-là les dévergondés. كيف تنسى الله تعالى وتبارك. كيف تنسى أن الله خبير بكل ما تعمل. Comment, frère ou sœur, vas-tu oublier Dieu? Comment vas-tu oublier que Dieu est au courant de tout ce que tu fais? Yani, lamma takoun ma'a an-nas. Lamma takoun ma'a an-nas. Al-insan yuhawil an yakuna muslim, an yakuna musliman amama an-nas. Normalement, chacun de nous essaie d'être un musulman exemplaire. Lorsqu'on est dans la foule, lorsqu'on est avec les musulmans, fil masjid ilab, walakin. كيف تكون لما تكون وحدك في عطلتك في صيفك في عملك في الى غير ذلك. Mais comment tu te comportes, frère ou sœur, lorsque tu es seul, lorsqu'on enlève les musulmans, lorsque tu es dans tes vacances d'été, ou lorsque tu es seul dans ton travail, ou seul chez toi, etc. Est-ce que tu restes musulman? أو عندنا عدة وجوه, ou avons-nous plusieurs visages, plusieurs personnalités? يعني وجه نعطي للمسلمين, un visage qu'on donne aux musulmans, une personnalité avec les musulmans. ووجه نعطيه لله تعالى وتبارك لما نكون معه. وهذا الوجه هو وجه الذنوب. Et un autre visage avec lequel on rencontre Dieu lorsqu'on est seul, lorsqu'on enlève les musulmans, un visage pour Dieu, un visage des péchés. Ça veut dire on ne respecte pas Dieu subhanahu wa ta'ala. Yani, la nakhaf min Allah. On n'a pas peur de Dieu. Lamma nakun ma'a an-nas nakhaf min an-nas. Lorsqu'on est avec les gens, on a peur des gens. On se comporte bien. ولكن لما نكون مع الله. Mais lorsqu'on est avec Dieu, avec le Tout-Puissant, لا نحترم الله. On ne respecte pas Allah. Et on fait les péchés graves. المسلم في الأصل لا يكون هكذا. Il ne doit pas oublier Dieu. تخيلوا واحدا ناسي لله تعالى وتبارك. Imaginez avec moi quelqu'un qui dans sa vie, lorsqu'il est seul, il s'oublie. Il oublie Allah Ta'ala wa Tabarak. Wa yaqum bi kulli dhunub, et commet tous les péchés. Wa takhayyalu ma'i insanan akhar, et imaginez avec moi mes frères et mes sœurs un deuxième homme ou une deuxième personne qui peut être une femme. Wahid lamma yakun ma'a Allah, le second qui lorsqu'il est avec Dieu, yatadhakkar Allah, il se rappelle de Dieu. يتكلم مع الله, il parle avec Dieu. ويبكي امام الله, et verse ses larmes devant Dieu. لا من يراه, personne ne le voit. الا الله, à part Dieu. كل ما كان وحده, chaque fois qu'il est seul, يبكي يتكلم مع الله يدعو الله. Chaque fois qu'il est seul, il pleure, il parle avec Dieu. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, exactement comme l'a dit le prophète, prière et salut sur lui, رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Un homme qui s'est rappelé de Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé. ما مصيره, quel est son destin? في ظل الله, يوم لا ظل إلا ظله. Il sera à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة هذا يوم القيامة يكون في ظل الله. Et que chaque personne regarde ce qu'elle a préparé pour demain, c'est-à-dire le jour de la résurrection, cet homme qui se rappelle de Dieu, cet homme qui n'oublie pas Dieu, ou cette femme sera à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. نسأل الله تعالى وتبارك التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu يقول الله من بعد Dieu dit dans la suite لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ne seront pas du tout égaux les gens de l'enfer et les gens du paradis. لا يستوي أصحاب النار أصحاب النار وأصحاب الجنة ليش أصحاب الجنة هم الفائزون وحدهم أما أصحاب النار فهم الخاسرون. أصحاب الجنة هم الفائزون ce sont les gens du paradis qui récolteront tout le succès. الذين نسوا الله ceux qui ont oublié Dieu أولئك هم الفاسقون ce sont ceux-là les dévergondés أولئك هم الخاسرون ce sont ceux-là les perdants والذين تذكروا الله وعاشوا لله ce sont ceux qui se sont rappelés de Dieu ceux qui ont vécu pour Dieu qui ont bien préparé ce jour de la rencontre de Dieu ce sont ceux-là les gagnants. أخي اختر أختي اختاري frère ou sœur choisis إما جهنم soit la géhenne l'enfer وإما جنة ou bien le paradis. تخيل نفسك في الجنة imagine-toi dans le paradis قصور لمن لك des palais des châteaux pour qui pour toi خدم des serviteurs لمن لك pour qui pour toi des habits paradisiaque, libas, masha'Allah, liman, lak, ila akhiri, ila akhiri. Wa imma akhtar li nafsika adaban aliman, ou choisis pour toi un lourd ou un grand châtiment dans l'enfer. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul fa'izun. Fil akhir, ayyuha al-ikhwa, aqulu lakum, à la fin, je vous dis, mes frères et mes sœurs, wa nahnu nastaqbilu فصل الصيف je vous dis en accueillant tous la saison d'été تكلم لما تكون وحدك lorsque tu es seul parle avec Allah وقل له يا رب et dis-lui ô Seigneur في هذا الفصل في هذا الصيف سأعبدك كما لم أعبدك في الماضي pendant cet été je vais t'adorer Seigneur comme je l'ai jamais fait dans le passé يا رب أعاهدك Ô Seigneur, je m'engage auprès de toi. في هذا الصيف لن أعصيك. إذا عصاك الناس فأنا لن أعصيك في هذا الصيف. Ô Seigneur, si les gens se préparent dès maintenant pour te désobéir, moi je te dis dès maintenant, pendant tout l'été, je ne vais pas te désobéir. ويا رب أحمدك. Et ô Seigneur, je te remercie. Je te présente ma louange. أَنَّكَ جَعَلْتَ آخِرْ شَهْرْ مِنَ الصَّيْفِ Parce que cette année, tu as placé le dernier mois de la saison d'été. هُوَ شَهْرٌ مُبَارَكْ شَهْرُ رَمَضَانِ C'est le mois béni, le mois de Ramadan. وَسَأَخْتِمُ عِبَادَتِي لَكَ فِي الصَّيْفِ بِعِبَادَتِي لَكَ فِي رَمَضَانِ Et je vais clore, je vais finir mon adoration pendant toute la saison d'été avec mon adoration dans ce mois béni.